Audiomatique. Amorcer la transmission 365 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet allemand Architect, mené par Daniel Meyer, tiré de l'album Lower Lip Interface. Nous entendions la pièce Ghost of a Working Man, remixé ici par le projet louisianais Torrent Vaccine. C'est avec la formation Sweat Engine que la musique se poursuit maintenant à Audiomatic. Your eyes can now close. You are an excellent hypnotic subject. Forget where you are. Now we'll shift over to another part of your mind. Learn negative things. Obsession, hysteria, paranoia. Learn negative things. Obsession, hysteria, paranoia. You are an excellent hypnotist. You are an excellent hypnotist. You can awaken from the trance at will. It is impossible to distinguish between truth and emotional charge. Amnesia, anesthesia, hard and fast procedures that one imposes on a person in a standardized manner. Total immobility. Amnesia, anesthesia, hard and fast procedures that one imposes on a person in a standardized manner. Total immobility. Gentlemen, you see that these sick people have the inclination to unburden their minds. You are This is the end of side one. Oh, I enjoyed it. It was very peaceful. I was watching the point up there, and it got foggy, foggy, foggy, foggy. Cette séquence musicale à Audiomatic se terminait sur la pièce Black Radio in the Neon Blur du groupe Chemlab. Celle-ci se retrouve sur la première parution de Chemlab, soit un mini-album intitulé 10 Ton Pressure, paru en 1990. Avant cela, on écoutait la musique du projet Alien Factor qui nous offrait Cranium, une pièce apparaissant sur le premier album Abduction, publié en 1994. Et c'était avec la formation Sweat Engine que nous amorcions cette séquence musicale grâce à la pièce Numbing Device, se retrouvant sur le mini-album Audio Degradable, paru en 1990. Pour la suite d'Audiomatic, voici la collaboration entre le projet Monk et James Murphy. She does it. concerned about it. They murdered them. There's no justice for American Indian people. They had done a lot of injustice, a lot of very bad things to my people that never have been recorded, never will be acknowledged. If they are so benevolent, they should give this country back to us and start all over. Clever. Yeah, yeah. Clever than Hugo. You bet, and he's a slight dog. And so that type of observation of how that bird dances and how it uses its dance to manipulate. And so all animals have a dance. All animals have a song. All animals have a purpose of why they do these things. Thank you. À Audiomatic, il s'agissait du duo allemand Echo Rausch et sa composition Helix, extraite de la compilation The Label Compilation 01 de l'étiquette Funkwelten. Tout juste avant Echo Rausch, nous avions droit au duo Mama Gravy qui nous interprétait la pièce Blowing Off. On retrouve cette pièce sur le deuxième album de Mama Gravy intitulé Adios et paru en 2004. Et pour débuter ce bloc, le projet Monk et James Murphy se faisaient entendre avec la chanson Kick Out the Chairs qui a été remaniée par le groupe danois Who Made Who. Cette version est parue entre autres sur la compilation Goma Gang Tree de la compagnie de disques Goma. Le défunt groupe Gridlock se fera maintenant entendre à Audiomatic. à Audiomatic. Nous venons tout juste d'écouter la formation espagnole Esplendor Geometrico et sa pièce Transmission, tirée de l'album Mecano Turbo, publié en 1988. Avant cela, nous entendions une pièce issue d'une performance majoritairement improvisée réalisée conjointement par les projets Lost Mord et Metal Beast en 1997. La pièce se nomme Open Towers Emerge et apparaît sur l'album tout simplement intitulé Lost Mord vs Metal Beast. Et nous avons entamé la séquence sur la musique de Gridlock et la pièce Wound tirée du premier album de Synthetic Form sorti en 1997. À la suite de la rupture du groupe en 2005, l'un des deux membres, soit Mike Cadoux, a poursuivi sa carrière solo avec ses deux projets Drift et Bit Crush, en plus de fonder l'étiquette de disque N5MD. En conclusion de cette transmission 365 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir une pièce du duo scandinave Arcadia. Nous entendrons sa composition Arcadia 2, extraite de son premier album intitulé Into Arcadia, lancé le 24 septembre dernier. La transmission 366 d'Audiomatic deviendra tangible grâce à la musique diffusée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Elle restera toutefois intangible pour les personnes ne se trouvant pas dans le rayon ondulatoire de diffusion analogique ou satellite, mais grâce aux environnements numériques, elle se rematérialisera à la suite des anciennes transmissions d'Audiomatic, accessible notamment par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatic-cfoe et mixcloud.com/audiomatic. Voici Arcadia et la pièce Arcadia 2. C'était Audiomatic avec les sonoristes.